en son temps. Oh oui, mes frères, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon sauveur. En son temps, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon sauveur. En effet, Seigneur, en qui d'autre irons-nous alors que c'est toi qui es la solution pour tout ce que nous avons comme difficulté? Seigneur, bien plus tu disposes des difficultés dans nos vies pour te glorifier par elles. Mais très souvent, oh Dieu, gloire, les standards de la vie et les choses de la vie nous détournent au point de fait. Nous cherchons les solutions par nous-mêmes. Alors que nous, tu veux tout simplement qu'on ait confiance en toi. Qu'on prenne, oh Dieu, gloire, appui sur toi. Tu as dit dans ta parole que heureux ceux qui t'appuient sur toi et trouvent dans leur cœur des voies tout tracées. Seigneur, donne-nous de comprendre, oh Dieu, que les difficultés dans notre vie que tu as disposées ne sont pas là pour nous tuer, mais pour nous disposer à prier davantage, à presser davantage jusqu'à ce que tu ouvres la porte, afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous te remercions pour les difficultés dans nos vies. Nous te remercions, Père de gloire, pour les blocages dans nos vies. Tous ces blocages-là que tu as destinés pour ta gloire. Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu sanctifies nos cœurs, tu sanctifies mon cœur, tu sanctifies le cœur de mes frères et de mes soeurs qui m'écoutent, afin qu'ils comprennent, oh Dieu, que tu es derrière chaque situation. Tu les as ordonnés, préordonnés, Père de gloire, pour ta gloire. Donne-nous, oh Dieu, de tout simplement rester en silence et comprendre que c'est dans ce silence-là que tu agis. Donne-nous de ne rien craindre, que même si, oh Dieu, l'ennemi vient vers nous dans tous les chemins, il est écrit que l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Donne-nous d'avoir confiance, d'avoir la sérénité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Exode 14. Exode chapitre 14. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci encore une fois de plus pour cette autre soirée ici dans votre maison. Merveilleuse maison. Ici à Doha, à Yaoundé, au Dja. Amen. Amen. Exode chapitre 14. Nous allons parler d'un sujet et puis je vais laisser poser des questions. Toutes les questions que vous avez. Exode chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 5. Exode chapitre 14. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Exode chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Leur cœur fut changé. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Vous pouvez noter le psaume 105. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël? Comme s'il se réveillait d'un sommeil. Vous notez le psaume 105 en parallèle. Il dit, en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services. Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Soulignez cela. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée, donc sans défense. La Bible déclare que c'est Dieu qui a enduit le cœur de Pharaon pour qu'il attaque Israël. Et Israël est son peuple. Donc Dieu contrôle l'ennemi. Dieu contrôle les ennemis de nos vies. Il leur fixe des limites. En fait, c'est pour sa gloire. Et Dieu met des termes à ce que son peuple croit qu'il n'est pas en sécurité. On dit Israël est sorti les mains libres. Mais ceux-ci sont allés avec des chars, donc des combattants d'élite. Quand on dit des élites, c'est comme pour le cas du Cameroun, les billes. Mm. Vous savez, les billes qui sont allées combattre les gens qui n'ont pas d'armes. Mm. Mais Dieu, la Bible déclare que c'est l'Éternel, mais c'est lui, que c'est l'Éternel qui a endossé le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Mm. Donc Dieu voulait montrer quelque chose. Les enfants d'Israël, les chars de Pharaon, je crois qu'ils disaient, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignit campés près de la mer de Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait. On dit Pharaon approchait, point. Les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux, donc comme dans les routes du désert, vous voyez la poussière, le peuple, un peuple qui venait derrière eux, écoutez, tout ça, bon. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Par réflexe, ils crient à l'Éternel, un Dieu qui ne voit pas. Il dit à Moïse, n'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous nous disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Ça, je vous souviens, ça, la Bible veut commenter un instant. Le verset 13. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il y a de quoi prêcher maintenant 5 heures d'état avec ces paroles. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, restez en place. On va mettre les jalons petit à petit avant de finir. La première remarque, c'est que le peuple de Dieu se trouve sous la domination du peuple qui n'est pas de Dieu. Oui. Donc on a toujours comme impression que ceux qui servent Dieu sont opprimés par ceux qui ne servent pas. Et bien plus, on est obligé, c'est comme si on les lèche même souvent les bottes pour pouvoir avoir de quoi manger. Bien plus, c'est comme si nous dominent sur nous où nous sommes les esclaves. Mais Dieu est au contrôle de toutes ces situations. Parce que cette situation a été arrangée par lui plusieurs années plus tard, plus tôt, sous Abraham dans Genèse chapitre 15. Où il a dit, cherche ta descendance, ta postérité sera esclave dans un pays. Donc c'est préparé par lui. Tous les événements sont préparés par lui. Le libérateur est préparé par lui. L'endissement est préparé par lui. Maintenant, deuxième jalon, c'est que quand les Israélites sont sortis, la réalité, regardez bien ce mot, la réalité était en face de les voilà qui arrivent. C'est ici dans le peuple de la foi. Ils se tournent derrière et ils voient tout un peuple en train de venir. Et ils connaissent ce que veulent dire les Égyptiens. Ils savaient que lorsque tu désobéissais, lorsque tu faisais quand ils étaient dans l'esclavage, comment la Dieu l'avait été. Maintenant, s'ils les prennent pour les faire revenir là-bas, ça veut dire qu'ils vont multiplier encore la souffrance à des centaines de mains. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à Moïse qu'on t'avait dit qu'on devait on aurait mieux aimer le maltraitage qui était là-bas que de souffrir ici dans le désert. Donc, il y a la réalité que les Égyptiens sont derrière eux. Mm-hmm. Ils n'ont pas de système de défense. Ils savent que là, il n'y a point de secours. Ils ne peuvent pas gabagarer contre eux. Parce que ce sont les hommes d'élite, les gens qui sont formés. Ils ont les armes. Ceux-ci n'en ont pas. Maintenant, Moïse, et nous voyons une autre position de Moïse. Moïse voit et les Juifs, et les Israélites, et les Égyptiens qui sont en train d'arriver. Mais il voit maintenant la vérité qui est dans l'autre rideau que les gens physiques ne voient pas. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Ils voient l'autre réalité, l'autre style de réalité qu'on appelle la vérité révélée, qui se trouve de l'autre rideau qu'on ne voit pas physiquement. Mm-hmm. Parce que si ceux-ci voient la vérité physiquement, ils n'auraient pas à crier comme ça. Mm-hmm. Parce qu'ils voient ce qui est palpable, ce qui est dans la matière, ce qui est dans la chair, ce qui est dans la dimension de la chair. Or, ils oublient que c'est la dimension spirituelle qui contrôle la dimension charnelle. Mm-hmm. Alors Moïse répondit au peuple, verset 13, ne craignez rien. Ce mot ne craignez rien, chaque fois quand c'est mentionné dans la Bible, il y a une situation à craindre. Ne craignez rien veut dire souviens-toi qu'il y a quelqu'un dans l'invisible qui travaille ces choses-là. Souviens-toi que tu as quelqu'un d'invisible qui est au-dessus de ces problèmes. Ça veut dire que n'aie pas de regard fixé sur le problème, mais fixe-toi sur celui qui peut contrôler ce problème. Mm-hmm. C'est ça qui dit ne craignez rien. Dans Josué chapitre 1, versets 5 et 6 et jusqu'à 8, il va dire à Josué, ne t'ai-je pas dit? Fortifie-toi et prends courage, ne crains rien, je serai avec toi. Mais regarde les murs qu'il a dû avoir affronté. Josué a livré le combat plus que tous les autres qui étaient avant lui. Il faut livrer le combat à Jéricho. Il faut faire tomber les murs de Jéricho. Il faut aller tuer des gens, les Philistins. Il faut lutter contre les Gabonites, etc. Il faut lutter contre les gens, les Gilgal. Il a failli lutter tout cela. Mais Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. C'est pour lui dire qu'il y a des combats devant toi qui te préparent. Attends-toi. Quand Dieu dit fortifie-toi, prends courage. C'est parce que tu as besoin de la détermination. Tu as besoin du courage, tu as besoin d'une force divine pour avancer. Quand il dit ne crains rien, Dieu veut dire ne crains rien pour Dieu. Ça veut dire il y aura des difficultés. Mais sache que je suis avec toi dans cette difficulté. Tu n'es pas seul. Même si la difficulté est n'importe comment, je suis avec toi. Le Seigneur Jésus a dit, prenez, vous aurez des tribulations. Prenez courage. Donc, dans cette tribulation, ce n'est pas destiné à vous enlever de moi. Ces tribulations ne sont pas destinées à vous enlever pour emmener par, à quoi, en enfer. C'est destiné pour me glorifier. Parce qu'ils m'ont créé la tribulation. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Dans la persécution, prenez courage. Pourquoi? Parce que c'est par ces persécutions, par ces difficultés-là qui nous épuisent, qui épuisent notre foi, qui est comme l'or qui est sorti de la boue, mais qui font que ça passe par les épreuves du feu. Amen. Alors, souvenons-nous de cette expression, ne craignez rien. Ne craignez rien. Ça veut dire, malgré la difficulté, n'aie pas le regard sur les difficultés, mais sur celui qui contrôle les difficultés. Malgré les difficultés, il y aura la réalité. C'est-à-dire, la réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan scientifique, sur le plan palpable, quelque chose est en train d'être dit en contrarié par rapport à ce que tu aurais souhaité. Alors Dieu dit, ne crains rien. Ne crains rien. On voit un garçon dans la Bible, on l'appelle le Jairus, qui est venu appeler Jésus. Vous lisez Luc chapitre 8. Il y a une femme de 12 ans, de sang, qui avait touché son vêtement. Pendant qu'elle a touché, pendant qu'elle a causé, Jairus vient, parle, ma fille est malade, j'ai une fille unique de 12 ans. Il dit, viens. Pendant qu'elle a causé avec cette femme-là, on vient dire, ne dérange plus le maître, ta fille est morte. Et c'est tout, il écoute. Il dit, ne crains pas, crois seulement et elle vivra. On dit qu'elle est morte. La réalité est là. Il y a une réalité. Elle est morte. Mais il lui dit, ne crains pas, ta fille vivra. Il vivra. Quand il est allé à la maison, il lui dit, ne crains pas, elle va vivre. Et il est allé à la maison, les flûtes sont levées pour accompagner son âme. Il les jouait des flûtes pour accompagner son âme dans l'au-delà. Il dit que tout le monde sort, tout le monde sort. Il a dit que ne vous inquiétez pas, l'enfant dort. Les gens ont déposé la fruit, rient jusqu'à soulever le feu. Il dit que celui-ci, il sort du désert. C'est sûr que le soleil a menacé le cerveau. Mais il savait de quoi il allait parler. Parce que l'être humain ne voit pas au-delà de la chair. Vous voyez? Alors, une fois de plus, je suis en train de présenter ces événements pour montrer que, non, sur le plan humain, il y a la difficulté. Pas que, il ne faut pas faire la confession de la foi telle que, on dit que tu fermes les yeux, tu fermes la difficulté. Ça, c'est la politique de l'autruche. Tu fermes les yeux, tu as la difficulté devant toi, tu fermes les yeux, tu dis que tu n'y crois pas que la difficulté, tu manques ton corps, tu vas ouvrir, tu vas voir la difficulté. Ça ne se passe pas au niveau des yeux physiques. Ça se passe dans le cœur. Lorsque tu as une difficulté devant toi, ce qui se passe dans le cœur, c'est ça que le Seigneur veut. Que malgré cette difficulté-ci, le Seigneur est capable de me délivrer. Il y avait une autre difficulté dans le livre des. Je ne sais pas si je vais vite. Non, c'est bon. Voilà. Le débit est bon, n'est-ce pas? La vitesse également. Voilà. Dans le livre de Daniel au chapitre 3, il y a un monsieur donc, qui a érigé. On a fait ériger une statuette là en l'honneur des rois pour que les gens se prostèrent. Et on a dit qu'il y a trois là, Abednego, Shadrach et Meshach, qui ne veulent pas se prostituer. On a amené devant le roi, on a dit que ce sont des gens qui travaillent à ta cour. Tu leur fais confiance, ce sont des gens des autres nations, mais ils travaillent pour toi. Ils ne veulent pas servir tes dieux. Il dit quoi? Amène-les ici. À droite se trouvaient les accusateurs, à gauche se trouvait le feu, et devant eux se trouvait le roi. Ils se sont tenus là. Il y a la difficulté. La difficulté, la réalité était là. Ils sont dans le territoire étranger. Celui-ci a le droit de vie et de mort sur eux. Ils servent quelqu'un qui ne voit pas. Ils lui défendent même sa cause. Ils ont leur livre, le livre de celui-là. Ceux-ci ont leur divinité avec les prêtres et les magiciens de Paris qui font les chemins et les choses apparaissent. Eux, ils ont seulement le livre que nous avons aujourd'hui. Qui dit dans le même livre d'Exode chapitre 20 que tu ne te prosterneras point devant une image taillée. Parce que je suis un Dieu jaloux. C'est seulement ce qu'il a dit là qu'ils ont tenu ferme. Ils ont dit qu'on ne tiendra, on ne pourra pas se mettre à genoux. Le roi lui a dit que je vais voir ça devant moi. Sonner la trompette et c'est tous les autres Shalomon et là-bas. On a fait pou pou pou. Il dit que le roi Nebuchadnezzar vit éternellement. On ne te prosternera pas devant ton Dieu. Il dit que même si notre Dieu ne nous délivre pas de ton main, même s'il ne nous délivre pas, sache qu'on ne doit pas se prosterner. La réalité était là. Le feu était là. C'est vrai, ils disent au roi que tu perds ton temps en nous disant qu'on voit, on sonne la trompette pour voir sur le poste. On ne se prosternera pas. Notre Dieu que nous servons, c'est-à-dire celui qui est invisible, qu'on ne voit pas, qui n'est pas physiquement tout autour d'eux, est capable de nous délivrer de tes mains. Ses mains sont là. Les mains du roi, c'est la bouche. S'il dit tuer, on tue. S'il dit jeter dans le feu, on jette le feu. Le feu est à côté. Les bourreaux sont à côté. Dieu ne semble pas être là physiquement. Il dit, mais sache au Dieu, au roi, que même s'il ne nous délivre pas, c'est la plus meilleure partie de la Bible là-bas. Sache que même s'il ne nous délivre pas de tes mains, on ne se prosterne pas. On ne se prosterne pas. Ah, c'est suffisant pour vraiment déposer la Bible, s'est couché seulement et dire merci au Seigneur pour ces gens de personnes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On prie une fois seulement, on murmure contre Dieu. On dit que toi-même, tu n'existes même pas. Parce qu'il n'a pas répondu selon notre expectative. Devant Nebuchadnezzar, ces gens de personnes. Avant qu'on le dise, avant qu'on ait fait une pile qui s'est couché, même roulé le morceau que nous vous conseillez. Tu as bien vu comment il s'est vu, non? Oui. Pourquoi? Parce que la foi est accrochée dans l'invisible. Quand la foi est accrochée dans l'invisible, dans un lieu sûr, au-delà du rideau du voile, tout sur la terre ici est éphémère. Vous pouvez couper sa main comme ça, doucement, doucement, en mettant le feu partout. Il dit Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mm-hmm. Vous voyez? Mm-hmm. Alors qu'est-ce qui arrive? Nebuchadnezzar, c'était là-bas. Quand on fait, il reste tranquille, ils sont debout, il dit merde. Il a ordonné qu'on chauffe le feu 7 fois. Par exemple, je fais le feu 7 fois, il voyait. Pour voir s'ils vont changer d'avis. Les gars bougeaient les pieds comme ça, que fini, je fais ton feu. La Bible déclare qu'on les a liés avec leurs caleçons. Ceux, le feu était tellement, comme on dit, comme la colère de le roi était tellement sévère, ceux qui portaient pour jeter dans le feu les a brûlés. Ils sont tombés au milieu du feu. Poum! Ils sont tombés là-bas. Et quand ils restent sur la chaîne, ils veulent voir comment sortir là-bas, que votre Dieu vous délivre. Après, il s'est imprégné dans le feu, il a dit, non. Il se pose la question, n'avons-nous pas jeté 3 personnes dedans? Il dit, moi, j'en ai 4. Il peut crier, frère. J'en vois 4. Où est-ce que le 4e est sorti? C'est le Dieu qui répond par le feu. Il peut faire brûler par le feu, il peut être dans le feu, ça ne consomme pas. Alors, il les attendait où? Dans le feu. Alors, il dit, si tu traverses le feu, je serai avec toi. N'a-t-il pas que ça dans les années 43, verset 43, tu traverses dans les eaux comme la porte de pied, je serai avec toi, il se mesure au point. Il a donné, dit les paroles, il a donné les exemples dans la Bible pour que ça soit digne de confiance. Mm-hmm. Nous voyons Nebuchadnezzar qui est envoyé dans le feu, il était avec le feu avec eux. Il n'a pas attendu qu'on les porte, nous avons annoncé, il éteint le feu. Non, non, non, tu as quand même atterri dans le feu. Mais là, tu l'as trouvé là-bas, il t'a trouvé. Amen. Mm-hmm. La porte de pied est entrée dans le moment de feu. Quoi, comment ça s'appelle? Jonas est entré dans l'eau en profondeur. Ils étaient ensemble. Jésus nous a montré qu'il est digne de confiance. Mm-hmm. Sa parole est digne de. Donc quand il dit ne craignez pas, ne craignez rien, ça suppose qu'il y a une situation à craindre. Ne promène pas des regards inquiets. Que les circonstances n'aient pas d'emprise sur toi. Que ça ne paralyse pas ta prière. Que les ne te concentre pas sur les circonstances. Pour orienter ta prière, ne les suis pas, parce que ça va te distraire. C'est pour ça que la foi doit être ancrée en Christ, pas la foi dans la solution à nos problèmes. Mm-hmm. La foi doit être ancrée en Christ, pas dans la foi dans la solution de nos problèmes. Mm-hmm. C'est-à-dire que si d'autres choses, je vais croire et c'est maintenant que j'ai la foi. Non, on a la foi en lui et lui il fait ce qu'il veut pour nous. D'abord la foi en lui, puis il honore notre foi. On n'a pas la foi en ce qu'il a fait pour nous. On a la foi en lui. C'est pas la foi dans le nom du Seigneur Jésus que son nom a raffermi cet homme que vous voyez. Vous voyez, c'est pas la foi dans la guérison, la foi dans lui. Quand la foi est agréable, quand on est ancré en lieu sûr, son essence coule en nous. Son essence en retour, il donne dans la Bible des claques, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais il faut qu'on s'approche de lui avec foi. Amen. Alors ne crains rien, est vraiment, vraiment costaud et musclé. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Regardez, imaginez un peu le scénario. Les Égyptiens sont venus là-bas à tue-tête. Ils s'approchent à quelques mètres. Mais quelqu'un se tient là avec son petit bâton devant toute une armée de tout un pays. Le pays le plus puissant du monde comme les États-Unis. Imaginez, les États-Unis sont en train de venir avec les avions bombardiers et tous les missiles sol air. Il y a au Cameroun, un mécanisme se tient là-bas que les hélicoptères que vous voyez en haut là-bas, les djihadistes, ne craignent rien. C'est que la première personne qu'on va taper sur cette terre ici, c'est lui. Parce qu'on va dire que jamais les gens comme Saddam Hussein sont opposés. On les a tués. Kadhafi s'est opposé, on l'a tué. Toi là, tu sors d'où? Parce que jamais on ne pourrait pas voir qu'un puissant est vaincu sans les armes. Mais Dieu n'a pas de combat conventionnel. Il ne respecte pas les traités de Lisbonne et les traités de Genève. Non. Il a ses armes à lui. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Amen. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Il dit qu'on renverse toutes ces choses-là. Amen. Alors, Moïse tient là, il dit, ne craignez rien. Je me recours, vous tenez du côté de Moïse. Si vous tenez du côté de Moïse, toute difficulté pour vous est une solution pour glorifier le Seigneur. Amen. Si vous tenez du côté du peuple, chaque fois vous allez seulement être obligé d'insulter Moïse. Parce qu'il va faire toujours les choses qui sont contraires à vos attentes. Parce qu'il faut attendre Dieu agir. Il faut espérer en Dieu. Dieu a pris toutes ces personnes-ci, tous ces peuples, ces grands papa et enfants des nourrissons, les mettre dans les difficultés pour que leur vie leur serve d'exemple pour nous. Eux, quand ils vivaient cela, ils n'avaient pas un autre vie exemple qui leur servait d'exemple. C'est eux qui étaient les écritures de la Bible. C'est couché de la Bible, dans la Bible maintenant, pour que nous, qui sommes parmi les habitants autant d'affaires, nous puissions y trouver des réconforts. Que comme Dieu agit avec eux, il agira toujours parce qu'il n'a pas changé. Et par conséquent, nous n'avons pas d'excuses que de ne pas croire au Seigneur. Nous n'avons pas d'excuses parce qu'il y a beaucoup de preuves. Il y a assez de preuves pour croire en Dieu. Il y a assez de preuves dans les Saintes Écritures pour montrer que notre Seigneur est digne de confiance. Il y a assez de preuves dans l'Écriture pour montrer que si tu as un doute, c'est que notre doute doit être douté. Il y a assez de preuves pour montrer que si nous vraiment je doute de Dieu, c'est que toi tu dois douter de mon doute. Parce que je sais que franchement je ne suis pas normal. Parce qu'il y a assez de preuves ici écrites pour montrer que Dieu a fait des choses, ces grandes choses. Mais la Bible nous dit dans Jean chapitre 20, versets 30 et 31, que Jésus, notre Seigneur, a fait beaucoup d'autres miracles qu'ils n'ont pas mentionnés dans ses livres. Mais on dit, mais ces choses sont écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc voilà pourquoi ces livres sont écrits. Ces choses leur sont arrivées, ceci, pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. C'est ce qui est écrit. Donc leur vie était des écritures pour nous. Alors quand il dit ne craignez rien, restez en place, que restez tel que vous êtes. Moïse compte sur quoi? Il dit restez sur place et regardez. Pourquoi? Parce que la main céleste était déjà en position. Il savait ce qui arriverait. Amen. La même chose arrivait avec Géasi et Élisée. Vous vous souvenez quand la main syrienne devait venir camper pour prendre à la Dotan, là-bas, le frère Élisée. Il a dit que Géasi a dit qu'on est fichu. Que le genre des ministères, je vais te dire des ministères, de dire de nous sur le jeu des choses des gens, c'est pas bon de dire des choses de secret des gens. Voilà, ça maintenant pour nous est fini. Maintenant, le ministère s'arrête ici. Il a commencé à donner toujours les interprétations. En fait, de toute façon, on vient ici. C'est pas moi le visionnaire, le pasteur là-bas, le frère Julien là-bas. C'est lui qui a parlé. C'est lui qui parle. Il veut le faire. Le Seigneur dit ouvre. Le prophète a prié, oh Seigneur, ouvre les yeux. Frère, la Bible déclare lorsque le Seigneur lui a ouvert les yeux, elle a vu la montagne remplie de chars. Amen. Donc, quand leur physique faisait place à leur spirituel, ils voyaient ce qu'Élisée voyait. Donc ils pouvaient donc comprendre maintenant d'où vient sa confiance. La confiance vient du fait qu'ils voient dans l'invisible ce que les autres êtres normaux ne voient pas. Donc il faut dire, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour que je contemple la protection sous laquelle je suis. Quand on voit la protection sous laquelle on est, on ne craint rien. L'ennemi va venir là-bas bavarder. Pourquoi? Quand un chien vient vers toi, il fait ouh, il ne s'approche pas de toi. Pourquoi il fait ouh, seulement il reste à distance? Si peut-être moi, pourquoi il ne vient pas te mordre? C'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose en toi qui le bloque. Si Satan pouvait te tuer, pourquoi il ne te tue pas depuis? Tu as quoi pour te protéger de lui? Puisqu'il peut traverser le mur, si marcher sur ton lit, traverser, aller dans n'importe quel endroit, frapper le mur sort, il fait sourire, le mur tombe. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il ne peut pas agir tant que ton père ne lui a pas donné le droit. Vous voyez? La Bible déclare que c'est Dieu qui a induit Pharaon. Donc les décisions qu'ils ont prises, quand on dit Pharaon a pris toute ton armée, Pharaon ne dit pas prendre ton armée. On passe les armées en revue. On fait les appels, les communiqués de presse pour que les chefs de généraux se réunissent pour qu'on voit les tactiques de guerre pour pouvoir faire toutes ces choses-là. Comment on a fait avec Boko Haram? Tout genre de scénario se met en place avant de comprendre les derniers événements. Pour aller, on dit pas seulement les gens allaient en guerre. Non, ça se prépare. Ce n'est pas quelque chose d'un jour. Alors, quand c'est le maître, pourquoi pour aller faire tout le table, tous les généraux, les conseils qui vont se mettre là-bas pour faire le plan des tactiques de poursuite. Leur cœur est endurci. La Bible déclare que c'est le Seigneur qui a endurci leur cœur pour qu'il poursuive son peuple. Il veut que vous voyez. Alors, il pousse ce peuple-ci à poursuivre son peuple à lui. Il ne dit rien à ce peuple-ci, mais il met la force. La force physique se trouve du côté de l'ennemi. Mais il veut que son peuple compte sur la force invisible. Nous avons la force invisible disposée pour nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça se déploie dans nos vies par la foi dans le Seigneur. Ça se déploie dans nos vies par la foi dans le Seigneur. C'est-à-dire, lorsqu'on a foi en ce que Christ Jésus est pour nous, le ciel, le canal du ciel sont disposés pour notre vie. C'est un peu comme on plonge un tuyau dans un cours d'eau pour que ça prenne l'eau et dans le tuyau là, et couler dans le sang des champs pour irriguer ces champs-là. C'est comme ça que notre foi doit être fixée sur Jésus, prêt à puiser de lui pour manifester dans ce monde-ci. Et il n'y a pas de meilleur moment que de le glorifier que lorsque les difficultés arrivent. Lorsque les difficultés arrivent, si vous avez foi en lui, vous n'avez pas deux volets que vous allez entendre. Il va dire, ne crains rien. Ne crains rien. Vous allez voir, ça s'est prêté 365 fois, ne crains rien. Et dans chacun de ces 365 fois, les crains qui sont marchés dans la Bible, il y a les épreuves toujours à côté. Il va dire, ne crains rien alors que tu as des volets à dormir. C'est quand il y a que une ne craint rien, petit troupeau. Donc même si on fait n'importe comment, vous, Dieu vous a sélectionné pour vous donner le royaume. Donc il y a une difficulté, mais vous allez quand même entrer. Vous aurez des tribulations. Leur vie, ok, comme vous ferez mourir, croyez avant l'inculte à Dieu. Que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu, croyez en moi. Vous voyez, il y a une réalité qui se présente. Ne promène pas de regard inquiet. Amen. Mm-hmm. La Bible déclare, Moïse dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mais dans le cadre d'Israël, Dieu a parlé à Moïse. Même si quelqu'un dit ces paroles, c'est nécessaire, il s'y l'approprie. Tant que le Saint-Esprit ne lui a pas donné, ça ne marchera pas. Parce qu'il faut qu'il y ait les Égyptiens, il faut qu'ils soient poussés à bout à t'attaquer. Puis il faut que Dieu ordonne la délivrance pour que son nom soit glorifié. Parce que le but ici, c'est que le nom de Dieu soit glorifié au travers de Pharaon. Pour que les gens voient comment Dieu a brisé Pharaon, cheval et cavalier, sans l'aide humaine. Amen. Mm-hmm. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ça, pas la plus grande épreuve que l'être humain peut avoir sur la terre. C'est-à-dire que la réalité soit là. On te dit, reste tranquille, laisse Dieu faire. Pas que tu ouvres la bouche pour éveiller, pour installer en langue, pour que le Satan ne bloque pas le combat. Non, non, non. Tu gardes le silence. C'est écrit ici, gardez le silence. On dit que ici, votre prière n'interviendra en rien. Il ne faut pas que tu dises, c'est pas ton intercession. Reste tranquille, laisse-le venir. Amen. Jésus a même dit, si on te gifle ce jour, toi, présente-le toujours. Il ne veut pas dire qu'on va lever la main pour gifler, qu'un homme va arrêter la main. Ça va atterrir sur ton jour. Mais qu'est-ce qu'elle attend? La réaction de ton cœur pour voir ce que tu vas faire. Il présente l'autre, il fait pas, si ta tête tourne, toi, c'est dans l'église. Si ça te fait mal, Dieu dit bénis-le. Amen. Mm-hmm. Mais regardez bien, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Soulignez, gardez le silence. Donc, la plus grande difficulté que les chrétiens ont sur la terre, c'est de savoir rester tranquille. En fait. L'une des façons de montrer au Seigneur que nous croyons en lui et croyons en sa providence, c'est cette parole-ci. Ton enfant est malade, si tu ne vas pas le buter avec lui, il va mourir. Tu restes quoi? Silence. La restée sentie montre quand les yeux de l'enfant font en contusion, c'est là 42 degrés comme ça, c'est qu'il va mourir. Son corps va faire, les athées vont se contracter, le pulmonaire va baisser, le plus souvent, il va mourir. Tu restes silence. S'il n'y a pas ça, c'est qu'il n'y a pas la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu ne vient pas quand tu as la nourriture à la maison, tout va bien. C'est justement quand il y a des difficultés et que ça semble être hors norme, c'est la norme humaine. Mm-hmm. Que le standard humain ne peut plus rien. À cet endroit-là, Dieu commence. Notre faiblesse devient le moment de manifester sa force et sa puissance. Il dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, votre rôle, c'est garder le silence. Restez tranquille, observez seulement. Alors, lorsque les gens observent, ils vont voir comment Pharaon fait dans la mer. Ils vont croire que c'est l'eau qui a de faire. Mais il y a un ange dans l'eau qui a de faire cela. N'est-ce pas, frère? Que Dieu vous bénisse. Verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël qu'ils marchent? C'est-à-dire, il y a des difficultés derrière vous. Les gars disent, oh, pourquoi ces cris? Laisse ça. Demandez de continuer. Donc, marchez seulement. Ils viennent derrière vous. Marchez. Verset 16, toi, lève ta verge, étends-la sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Voilà encore notre difficulté. Derrière eux, qu'est-ce qui se passe? Devant eux, ils ont rencontré quoi? La mer. À gauche, il y a quoi? Le désert. À droite, les hautes montagnes avec les scorpions certaines. Donc, ils sont encerclés. Dans les quatre points cardinaux, il y a des difficultés. Ils ne peuvent plus rentrer par derrière, c'est un mot certain. Entrer là-bas, c'est une noyade certaine. Vous pouvez traverser la mer. À gauche, dans le désert, c'est la confusion et la confusion. Vous allez sécher là-bas. De l'autre côté, là, vous pouvez monter les montagnes avec les scorpions. Donc, vous êtes au milieu. Mais Dieu fraye le chemin là où il n'y en a pas. Il a dit qu'il fraye le chemin là où il n'y en a pas. Et voilà là, une preuve biblique qu'il a défrayé le chemin là où il n'y en avait pas. Mmh. Ici, s'il faut commencer à imaginer la science, comment faire pour trouver le bateau pour projeter un à un, il n'y a pas le temps pour construire le bateau. Il fait quoi? Il fend la mer. Moïse a fendu la mer. Il fallait attendre que la mer s'ouvre pour qu'il marche sur le pied sec. Jésus est venu sur la terre et il fend par la mer, il marche au-dessus. Donc pour lui, la mer est plate. Amen. Mmh. Il est digne de confiance. Amen. Mmh. Il est digne de confiance. Mmh. Pouvons-nous l'aimer encore davantage? Peut-on baisser la tête en disant, Seigneur, même s'il y a n'importe quelle difficulté, donne-moi de te faire confiance. Donc, faisons confiance au Seigneur dans toutes les difficultés. Amen. Amen. Parlez-lui. Parlez-lui. Quel que soit le moment difficile, quelles que soient les difficultés, Seigneur, notre Dieu, Papa, nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous espérons en toi, Seigneur, notre Dieu. Nous savons, Seigneur, que rien ne t'est impossible, Seigneur, notre Dieu. Nous savons, ô notre Dieu, que toi, tu es là. Papa, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés, quels que soient les blocages, Seigneur, mon Dieu, Papa, nous savons que toi seul, Seigneur, tu es digne. Toi seul, tu es capable, Seigneur, de faire ce qui est impossible à tout homme. Tu es capable, Seigneur, de faire ce qui dépasse les médecins. Tu es capable de faire, Seigneur, ce qui dépasse la science, ce qui dépasse tout. Comme tu l'as toi-même dit dans les hommes peuvent faire, que nous aurons des épreuves, tu es le Dieu qui est au-dessus de toute cette situation, Seigneur mon Dieu. Bénissons ton nom, te bénissons, Seigneur. Précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Avez-vous compris ceci? Avez-vous compris maintenant ce que le Seigneur vous a dit? Oui. Que vous devez garder le silence et observer ce qu'il va faire. Le silence doit être observé. Mm-hmm. C'est-à-dire que silence à l'intérieur, silence à l'extérieur. Mm-hmm. Silence, gardez-le et voyez ce que le Seigneur va faire. Ce qu'il dit égyptien, c'est-à-dire que cette difficulté, ce blocage que tu observes là, Dieu veut résoudre ça tant que tu te calmes. Parce qu'en réalité, vous avez fait du bruit, d'une façon ou d'une autre. Vous avez essayé par les bras de la chaise, ça n'a pas marché. Ça veut dire qu'il est temps de rester tranquille. Reste tranquille. Dites-vous seulement que Seigneur, maintenant, et que ce soit désormais votre prière. Mm-hmm. Seigneur, nous sommes tranquilles. Nous nous attendons à toi. Toi-même, fais ce que tu as fait. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Que Dieu vous bénisse. Mm-hmm. Je te remercie, cher Seigneur, pour toutes les filles. Car par le moyen j'ai appris à plier ma volonté. Amen. La grâce entre en scène. Voilà. Les questions, frère. Avec ces gens, les choses qu'on voit, il n'y a plus de questions normalement dans ce domaine-là. Faites confiance. Dieu va vous surprendre. Vous allez savoir que Jésus est vivant. Alléluia. Mmh. Non, c'est clair par rapport à les orientations qui viennent de nous être données là. Il ressort que nous n'avions pas eu cette confiance et que nous avons eu à promener des regards inquiets à des autres et nous avons cherché des solutions par nous-mêmes. Donc ce prise de confiance. Et par rapport à l'exhortation de l'homme de suivre, nous amène justement à rectifier le tir, c'est-à-dire à garder silence et attendre le secours de l'Éternel. Père, merci pour ce que tu as dit. Je prie au Dieu de gloire que ce que tu as dit, Seigneur, pénètre ses cœurs et ses âmes et qu'ils comprennent au Dieu de gloire que c'est de toi que c'est venu. Je prie que tu le donnes au Dieu de gloire, alors que nous avons entendu ta voix ici parler, qu'il garde le silence. Donne-le au Dieu de gloire que ça pénètre au profond de ceux de leur âme, afin qu'il marche au Dieu de gloire sans crainte devant toi, en continuant dans la sainteté et dans la droiture. Seigneur, c'est alors que tu les surprendras dans le silence. Merci, Père de gloire, parce que tu les visais dans le silence au nom de Jésus. Je prie, Père de gloire, que toi-même tu stabilises le cœur et la conscience. Donne-le d'avoir confiance en toi, car qui peut de lui-même s'approcher de toi sans être invité. J'ai prié au Dieu de gloire que tu étends ta grâce au Dieu sur leur vie et que tu ouvres les entrailles. Père de gloire, tu as décidé dans leur vie de fermer la gueule des lions. Tu as décidé de fermer la gueule, Père de gloire, du vindicatif et tout ce qui avait décidé et décrété. Merci, Père de gloire, parce que c'est en ton nom qui sera glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci. Chez le Seigneur, c'est gratuit. Et c'est ainsi par le Seigneur. Et tout est accompli. marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne craindrai, oui, aucun mal, aucun mal, car il est avec moi. Jésus est avec moi. Oh,